est réalisé par les maîtres brasseurs de la microbrasserie La Barberie. Les bières rousses et blondes de CKRL sont disponibles chez l'accommodation GD au 500 3e avenue à Limoilou, au dépanneur La Duchesse d'Aiguillon, maintenant situé au 469 rue Saint-Jean, au Bal du Lézard au 1049 3e avenue à Limoilou et au Bar Le Sacrilège au 447 rue Saint-Jean. Rousse ou blonde? Je pense que je vais essayer les deux. C'est quelques notes de The Tangent qu'on vous accueille ce soir. D'ailleurs, je pense que c'est le même thème depuis le début, donc c'est pas une surprise pour vous, mais c'est un peu comme un conditionnement. Quand vous entendez ce petit bout de Tangent instrumental, vous pouvez pas faire autrement que vous dire « Aha! Terra Incognita! » Donc, ce soir, on a plein de petites nouveautés, et puis on commence avec le plus récent que la Summer. Évidemment, vous me voyez venir parce qu'ils vont être chez nous dans pas grand temps et ça avance. Là, c'est vrai que je compte les dodos. Le 17 mai, donc, Glasshammer au Centre d'art de la Chapelle, dans le cadre du Festival Terra Incognita. On écoute un extrait de leur plus récent Ode to Echo. As if we

Eyes bright. un extrait du plus récent Glasshammer, qui a pour titre Ode to Echo. Donc, c'est la pièce qui conclut, qui s'appelle Ozymandias. Je vais recommencer ça. Ozymandias. Non, je ne sais pas ce que ça veut dire. Et puis, bon, on avait une autre pièce de Glasshammer qui est. Mon Dieu, attendez un peu, ça, c'est. J'ai de la misère à me relire. Ah, honte à moi. Enfin, on avait commencé avec Glasshammer encore, c'était Crowbone. Un autre extrait de Ode to Echo. Et le violon que vous n'avez pas entendre, c'était une graciosité de David Ragsdale. Peut-être que ça dit quelque chose à certains amateurs. C'est le violoniste qui a joué une bonne partie. Je pense un bon moment. Et je pense qu'il fait encore partie d'ailleurs de Kansas. C'est un des invités sur ce disque. Il y a aussi Rob Reed de Magenta. Et puis, je pense qu'entre dans les plus connus, c'est probablement ces deux-là. Ah oui, Randy Jackson. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Là, le groupe Zebra dans les années 80. Ça a l'air que c'était un des groupes préférés de Steve Babb. De mémoire, là, il me semble que c'était pas quelque chose qui me rejoignait beaucoup, mais j'ai pas fait beaucoup de recherches non plus sur ça. Donc, c'était notre petit spécial Glasshammer. Je vous rappelle, le groupe va être avec nous. Et c'est une première canadienne. Ils n'ont jamais présenté un concert ici. Donc, le 17 mai. Le 16, on va avoir Iz. Sur les autres, on les a déjà vus, mais on les aime beaucoup aussi. Et le 18, première canadienne aussi pour Fabio Zuventi. On peut regarder peut-être juste résumer les journées. Là, le 16 au soir, on aura Gadi Kaplan, un guitariste originaire d'Israël. Après ça, c'est Inner Odyssey de Québec et Iz des États-Unis. Le 17, on commence avec Neodym, un groupe de la région de Montréal. Il y a eu un petit remplacement. Donc, Third Degree. Sauf erreur, de la Nouvelle-Angleterre. On va être plus vague comme ça. On précisera pas de où exactement. Et puis, la soirée se termine avec Glasshammer, qui, je pense qu'il y aura peut-être c'est leur deuxième concert de l'année. Et peut-être, il va y en avoir quelques-uns qui se rajoutent, parce que ça leur a comme donné le goût. Et le 18, on commence avec Sonia Sombra, une formation mexico-américaine. Après ça, Unreal City, belle surprise italienne. Le premier essai, je pense, a pas mal convaincu tout le monde. Et on termine avec le maître du prog italien, Fabio Zuventi, et son groupe. Ils vont nous offrir un survol de sa carrière, donc la Mascara di Chera, Hotsonaton, Finistère, et puis des extraits de son plus récent disque. Je pense que c'est le temps que je vous laisse. On va revenir dans quelques minutes avec une nouveauté, Resistor, groupe américain, de leur disque To The Stars. Je vous rappelle que vous êtes à l'écoute de Terre Incognita avec Michel et Bruno. On est avec vous jusqu'à minuit. Et évidemment, c'est KRLMF 89.1. Cette soirée vous est présentée par La Barberie. Hi! Maintenant à La Barberie, en plus des 9 bières en fût, une bière en bouteille est servie au bar. On pige dans des cuvées spéciales, des bières rares, des bières vieillies. Mais allez-vous servir des bières ordinaires? Des bières ordinaires à la barberie. Non. Mais des régulières, alors? Oui. Pour connaître la bouteille du jour, de la semaine ou du mois, consultez notre menu à labarberie.com ou sur notre page Facebook. C'est le grand retour de la Ligue d'improvisation musicale de Québec. Cette nouvelle mouture regroupe des musiciens ayant participé à l'ancienne Ligue, de même que des recrues issues de la scène musicale de la ville de Québec. À chaque rencontre, deux équipes de quatre musiciens improvisent sur des thèmes imposés par l'arbitre. Prochain match, lundi 5 mai à 19h30, alors que l'équipe Le Pantoum affronte les Bleus. $12 à l'entrée. Pour plus d'informations, visitez notre page Facebook. Passionné de vélo, découvrez la boutique Le Pédalier, le marchand de quartier aux services personnalisés. Depuis 25 ans, la boutique Le Pédalier répond autant aux exigences des pros que des amateurs. Les plus grandes marques, Kona, Felt, Marin, aux prix les plus avantageux. Une équipe de spécialistes et des conseils judicieux. C'est l'expérience que vous vivrez en vous rendant à la boutique Le Pédalier, 99 boulevard Bastien, Wendake, via Robert Bourassa Nord. 418-842-2734, pédalier.ca. Au lieu de plaisir, de rencontres et de culture à Québec, Le Sacrilège, votre bar de quartier, prépare sa terrasse pour l'été. Au cœur du Faubourg Saint-Jean-Baptiste, cette institution bat au rythme des activités artistiques qui y sont présentées. Venez profiter des nombreux spéciaux offerts tous les jours. Rendez-vous au 447 rue Saint-Jean. Le Sacrilège, fier partenaire de CKRL, félicite la station pour ses nombreuses années de service. To the stars, from the earthbound dreamer, who we are, we belong to you. To the stars, send my light song beaming. All we are, we return to you. A billion scattered galaxies to lie beyond the veil, Ad Astra's timeless mysteries to lift our eyes, enchanted we arise up and out at the great who we are. Arise up, sensing ancient secrets from afar. We'll be right back. spirits from afar. from the earthbound dreamer. All we are, we belong to you. We'll be right back. talk. Useless. I'll be as deaf as a post if you hold me like a we'll be right back. ça coupe sec, ça. C'était Elbow. Ça nous vient d'Angleterre. Asleep in the Back. C'est pas une nouveauté, mais ça me tentait. Ça, je l'écoutais aujourd'hui. Je me disais, mon Dieu, quelle bonne cette pièce-là. Ça va passer ce soir. Tout juste avant, on avait un groupe de Québec, leur nouveauté. Et je pense que leur premier essai, sauf erreur, Shatters, l'abîme des pensées. Et c'est un disque qui est à moitié anglais, moitié... Ben, non. Non, écoutez, je n'irai pas des proportions, mais en tout cas, il y a des pièces en anglais, il y a des pièces en français. Donc, Shatters, l'abysse des pensées. On avait entamé avec Resistor, To the Stars. C'est la version studio. On a déjà présenté la version en concert, c'était au live à Ross Fest. Mais je pense que je préfère celle-ci que celle qu'on vient d'entendre en studio. Évidemment, c'est sûr que en travail de studio, c'est toujours un peu plus facile d'enrober. Donc, Resistor to the Stars. Et on poursuit, nous autres, ben, non pas en musique, on va poursuivre plutôt en publicité. Et on vous revient après avec Frequency Drift et autres surprises. Donc, c'est notre dernière heure, mais... Évidemment, vous savez que ça va être encore bon pendant une heure. Restez des nôtres. C'est Michel et Bruno. Et c'est Terra Incognita jusqu'à minuit. Cette soirée vous est présentée par La Barberie. 89.1. CKRL. Vous avez envie de faire de la radio et de partager vos connaissances musicales avec nos auditeurs? C'est le temps de nous faire parvenir vos projets d'émission pour la saison estivale. Juin, juillet, août et un petit peu de septembre. Prenez le contrôle des ondes à chaque semaine. Proposez une émission sur ckrl.qc.ca et remplissez le formulaire dans la section « Proposer une émission ». La date limite est le 4 mai prochain. Cette semaine au cinéma Le Clap, voyez... 9 mois ferme, Le Coq de Saint-Victor, Dur à cuire, El Bulli Cooking In, Enemy, Fermière, Garçon et Guillaume à table, Ma maman est en Amérique, La Marche, Opéra national de Paris, La fille du Far West, Quai d'Orsay, Rio 2, Les saveurs du palais, Tel père, tel fils, The Grand Budapest Hotel, Tom à la ferme, Transcendance, Un week-end à Paris, Une autre vie. Consultez l'horaire complet sur leclap.ca. Le Clap, le cinéma d'ici, d'ailleurs et bien plus. Les artisans de la Barberie se font un plaisir de concocter des recettes originales de bières pression à fermentation haute. Les bières sur lit sont disponibles en format de 500 ml et de 750 ml dans différents commerces de vente au détail, ainsi que dans des restaurants et des cafés. La Barberie, 310 rue Saint-Roch, 88 522 43 73, labarberie.com. was to try to understand what had gone through you. I never thought for one moment this would be the outcome. You don't listen well, can't explain how you feel. When you're gone, you're gone. Cette soirée vous est présentée par La Barberie. Maintenant, à La Barberie, en plus des 9 bières en fût, une bière en bouteille est servie au bar. On pige dans des cuvées spéciales, des bières rares, des bières vieillies. Mais allez-vous servir des bières ordinaires? Des bières ordinaires à La Barberie. Non. Mais des régulières, alors? Oui. Pour connaître la bouteille du jour, de la semaine ou du mois, consultez notre menu à labarberie.com ou sur notre page Facebook. Ici Steve Huot, co-ambassadeur de la 3e édition de l'événement Québec Danse qui est présenté du 22 au 29 avril. 25 activités, chacune plus colorées les unes que les autres, vous sont offertes dans la région. Des sites extérieurs inusités, tout comme des lieux de diffusion traditionnels, accueilleront des artistes et des enseignants qui sauront vous insuffler le goût de partager avec eux leur passion. Profitez-en pour rentrer dans la danse en participant à une classe d'initiation dans l'un des nombreux styles proposés. Trouvez la programmation complète sur culture-québec.qc.ca. Bienvenue à tous. Hacking de vélo, comédie musicale russe, show de boucan, épidémie de rire, marché du zombie, le steak de Falardeau. Voyez ces activités et bien d'autres lors de la Manif d'art 7 du 3 mai au 1er juin. Ça commence à l'espace 400e Bell dans le Vieux-Port. Embarque dans la Manif d'art. En partenariat avec la CSN, avec la collaboration de Radio-Canada Québec et du RTC. C'est le grand retour de la Ligue d'improvisation musicale de Québec. Cette nouvelle mouture regroupe des musiciens ayant participé à l'ancienne Ligue, de même que des recrues issues de la scène musicale de la ville de Québec. À chaque rencontre, deux équipes de quatre musiciens improvisent sur des thèmes imposés par l'arbitre. Prochain match, lundi 5 mai à 19h30, alors que l'équipe Le Pantoum affronte les Bleus. $12 à l'entrée. Pour plus d'informations, visitez notre page Facebook. Et nous voilà de retour. On va jeter un petit coup d'œil en arrière. Dernière pièce qu'on a entendue, c'était un groupe britannique, Flicker. How much you are willing to forget. Je pense que ça a tout fait quelques mois. Là, il y a eu comme une espèce de petite vague Flicker en Angleterre. Un groupe qui était, que je situerais peut-être dans le coin là, de entre Pineapple Thief et Porcupine Tree, Steven Wilson. Il y a eu des mots de bonnes réactions en Angleterre. Ici, peut-être un peu moins. On a moins entendu parler, mais j'ai bien hâte de voir ce qu'ils vont. Qu'est-ce qu'ils vont nous arriver avec quoi le second, parce que celui-là il est vraiment intéressant. Et puis ils font un peu comme le Porcupine Tree qu'on s'ennuie là, parce que finalement je pense bien que ça ne reviendra pas. Donc la page est tournée pour M. Wilson. Et Flicker, ben pas loin. Donc, ils peuvent prendre une place, mettons. Et on avait tout juste avant Dream, The Electric Sleep, de leur second disque, Hérétique, un disque que je ne me tente pas d'écouter. Et un bon mélange de rock et de prog, là, franchement, surprenant. Et puis, ben, il y avait directement d'Allemagne, Chamal. Ça, c'est un groupe que je viens de découvrir. Et puis, à ma grande surprise, il y en a d'autres que celui-ci. Donc, il va falloir que je creuse et que je fouille. Ça s'appelle Turn Off. Et c'était la pièce de Hidden Enemy. Et ben, on reste en Allemagne. On avait amorcé avec Frequency Drift de leur plus récent Over. Ça aussi, c'est quelque chose que j'écoute régulièrement. Là, un beau mélange de folk et de prog avec plein de sonorités. Il y a eu beaucoup de travail là, dans le mixage aussi. Et beaucoup d'instruments différents. C'est vraiment je pense que c'est un peu l'apothéose pour ce groupe-là, le Frequency Drift Over. On continue en musique, nous autres. On est encore en Europe. Cette fois-ci, on va aller faire un petit tour du côté de la Scandinavie. Une nouveauté, ça s'appelle Brimstone. Et le titre, c'est Mansverk. Je pourrais pas vous traduire ça, là, mais là, tous les titres sont en anglais, par contre, après. Donc, d'après moi, c'est leur premier. J'ai pas entendu parler de ce groupe-là avant. Donc, Brimstone, la Norvège. C'est notre dernière demi-heure, Bruno et moi. Je pense qu'on va se payer à très tard. Donc on y va sans plus tarder. Le temps de vous rappeler que vous écoutez toujours Terrain Incognita et évidemment c'est KRL 89.1. On y va avec Brimstone. We'll

side. Let the wind carry your shadow to the long gone souls. It's alright, just close your eyes and step into the meadow. They're waiting there for you. Don't try to deny the time you cannot rewind. Something left to do. Don't fight the right inside. Instead, just float on ahead. You got green light to spread your wings like an eagle. What are you waiting for? Well, tonight's the deadline. You wish that you could stand up. You got this real solved. No time to decide. Thank you. en direct de la stratosphère. Oui, ça nous vient de Suède, c'est sûr. Si quelqu'un me dit que ça ressemble pas à un brin du Pink Floyd, là, bon, il est recalé à son examen. Pale Fetter, c'est le disque éponyme. Le plus drôle, c'est que c'est des musiciens de heavy metal qui ont décidé de faire un projet complètement à côté. Donc, c'est leur premier essai. Je pense que, quand même que je vous dirais, les groupes, à moins que vous soyez un amateur de heavy metal, et ben, je pense qu'ils ont réussi le coup. En tout cas, c'est vraiment, là, ça ressemble à rien de ce qu'ils ont fait avant. Non, c'est un trio. Et puis avant, on avait des Hollandais ou des habitants des Pays-Bas, si vous préférez, parce que ça a l'air que la Hollande, c'est une province des Pays-Bas. Un peu dans le style Big Elf. D'ailleurs, ils ont des confrères, là, D-Wolf, là, qui l'année dernière, je pense qu'on en a passé assez souvent. Là, ça s'appelle The Birth of Joy. Et c'était le disque Prisoner. Et on avait commencé avec les Norvégiens de Brimstone. C'est déjà le temps de vous dire bonne nuit, mais restez pas vous partez pas, là. Restez des nôtres. Il y a l'autoroute dans quelques minutes. C'est Michel Urino ce soir. Et on vous invite à nous revenir la semaine prochaine. Téléchargez Terra Incognita sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous à son podcast sur iTunes. Cette soirée vous a été présentée par La Barberie. CKRL. Québec. Au lieu de plaisir, de rencontres et de culture à Québec, le Sacrilège, votre bar de quartier, prépare sa terrasse pour l'été. Au cœur du Faubourg Saint-Jean-Baptiste, cette institution bat au rythme des activités artistiques qui y sont présentées. Venez profiter des nombreux spéciaux offerts tous les jours. Rendez-vous au 447 rue Saint-Jean. Le Sacrilège, fier partenaire de CKRL, félicite la station pour ses nombreuses années de service. Vous avez envie de faire de la radio et de partager vos connaissances musicales avec nos auditeurs? C'est le temps de nous faire parvenir vos projets d'émissions pour la saison estivale. Juin, juillet, août et un petit peu de septembre. Prenez le contrôle des ondes à chaque semaine. Proposez une émission sur ckrl.qc.ca et remplissez le formulaire dans la section « Proposer une émission ». La date limite est le 4 mai prochain. CKRL 89.1. Ben voyons, le monde est donc ben cheap. Pourtant, d'habitude, un samedi soir, on fait pas de pouce longtemps. Bon, enfin, il y en a un qui allume. Ça commence à être le temps. Vers où tu t'en vas? Ben, je prends l'autoroute 89,1. Wow, j'embarque. But I'm...